Chapitre 2. Bilan. Le nom. Exercice 8. Voici l'assistante. 1. Regarde le travail de Paul. 2. C'est notre avocate. 3. J'invite mes voisins. 4. Tu es caissier? 5. Attention au cheval. 6. Appelle les techniciennes. 7. Lis les journaux.